Le Belgique avec Chris sur votre radio. Le Belgique. Vous écoutez le Belgique avec Chris sur votre radio. La meilleure progression est réalisée par Jane avec Alright. On la retrouvera également un peu plus tard dans le classement des albums. Et puis cette semaine, c'est la jeune Demi Lovato qui profite de sa belle collaboration avec Clean Bandit sur Solo pour s'imposer en première place. Le top numéro 28. Numéro 1. I wish it wasn't I do it so low. Vous écoutez le Belgique avec Chris sur votre radio. Côté album, les Kids United 4 sont passés en tête du classement. Jaïn et son nouvel album Soul Your se classe numéro 3. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan. De princesse et de cerf-volant, je veux du soleil dans ma mémoire. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux traverser des océans, devenir Monte Cristo. Au clair de lune, m'échapper la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, me sortir de ma cage. Thank you. écoutez le Belgit sur votre radio. Regarde comme la fille est belle quand elle marche sous le soleil. Le Belgit avec Chris sur votre radio. Le Belgit. Vous écoutez le Belgique avec Chris sur votre radio. Autres entrées de ce classement des albums, celle de Interpol et Alice in Chains. Play. Changement de style avec les entrées du groupe coréen de K-pop BTS, mais également l'album Woman Worldwide du groupe Justice. Stretching, 긴장은 보여지고 내 맘을 숨긴다면 Who has no one yes on side? Dance with me, dance with me 어떤 방식도 좋아 dance with me 어디서 왔고 왜 춤을 추고 자연스러운 대화 say something 이상해 너무 자막해 뭐든지 잘 될 것 같아 But you're my friend, yeah my friend Just 함께하는 느낌이 좋아 너와 함께하는 춤들이 좋아 너와 I just wanna, wanna, wanna I really wanna, wanna, wanna Just dance 음악에 믿는 대로 그저 몸이 가는 대로 우린 다 빛나는 shadow 함께하는 느낌이 좋아 너와 함께하는 춤들이 좋아 너와 같은 내 삶 속 한 송이 너랑 꽃 꽉 막힌 연습실도 함께라면 난 꽃으로 답도 없던 꿈도 이제 공감대 형성이 멜돼 우리 리듬은 맞기에 춤이 섞기에 그 운명적인 밤 Let's get it on party 보름 우겨치는 감 심장이 뒷밤 하나 되는 동작 너를 알아가는 지금 내 마음 계속 이어나가고 싶은 girl 춤을 좋아했듯이 널 So you're my love That's why I like 함께하는 느낌이 좋아 너와 함께하는 춤들이 좋아 너와 I just wanna wanna wanna I really wanna wanna wanna Just dance 음악에 믿는 대로 그저 몸이 가는 대로 우린 다 빛나는 shadow 함께하는 느낌이 좋아 너와 함께하는 춤들이 좋아 너와 Belgique sur votre radio. Le Belgique avec Chris sur votre radio. Le Belgique. Écoutez le Belgique avec Chris sur votre radio.

Une grande émotion en fin de concert avec la reprise de « Quand on n'a que l'amour » dédié à Morane. Le concert de Christophe Willem était exceptionnel et c'était également le tout premier festival pour Blanche. L'occasion de performer son hit « City Lights » ou encore ses deux nouveaux titres « Wrong Turn » et « Soon ». On attend bien sûr la sortie de son premier album. There's something that I need to confess. I've got some heavy feelings that I can't keep for myself anymore. I've got a dirty little secret. My love is hidden in my closet. I've got wrong feelings, it's a shame. They say I'm sick, I'm to blame. I've got my heart in the lock, yeah. Loving each other, we're coming a mother, mother. Remember, we fight as a society, the killer. But I don't get to go to hell if we are together. Fire! Sur votre radio. Regarde comme la fille est belle quand elle marche sous le soleil. Autant de pluie chez moi. Mais il fait comme le Belgit avec Chris sur votre radio. Le Belgit. Écoutez le Belgique avec Chris sur votre radio. Comment ralentir le tempo? Comment C'est de l'argent, c'est des dettes. Oh, mais pourtant, puisque l'envie ne fait pas crédit, tout se plaît et toujours content. Celle qu'on nous lâche, l'apologie du vide me glace. Faut que je tâche de prendre le pli avant que je me lasse. Oh, Elle a également envoûté les francopholies avec ses plus grands tubes. Cœur de Pirate a également fait découvrir les morceaux de son nouvel album, comme Prémonition et Somnambule. Les jours fondent en instants, de brèves et de moments. Je ne me connais plus, tous mes repères perdus. Je croyais voir le monde pour ce qu'il était vraiment. Mais son arrivée me tourmente et pourtant je me croyais plus forte, usée par notre époque. Mes plaies s'ouvrent pour lui, ne faut-il pas que je m'emporte. Le vent souffle vers l'est, de rire et de caresses. Je tangue autrement et je suis somnambule. Mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule. Se perd de temps et la nuit et tout s'est décidé. Je ne vis que d'idéaux, de mots cassés. Je tente d'être complétée. D'amour est inconnu. Et quand il m'enlace, je ne me sens plus lâche. Les défis d'autrefois me paraissent loin. Et pourtant, je sais que cette épreuve peut détruire à jamais les espoirs d'une vie parsemée de regrets. Et quand il me regarde, je sens mon cœur débattre. Être sans lui, c'est une mort qui s'annonce lentement. Le vent souffle vers l'est, l'océan me perce. Je tangue tendrement et je suis somnambule. Mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule. Se perdent dans la nuit et tout s'est décidé. Je ne vis que d'idéaux, de mots cassés. Je tente d'être complétée. D'amour est inconnu. D'amour est inconnu. Lost Frequencies était au Stryker Rock pour y performer ses plus grands tubes. DJ belge classé au 26e niveau mondial par le DJ Mag. Vous avez peut-être applaudi Maître Gims au Summer Music Festival. Il y a donné une représentation unique en Belgique devant 9000 personnes. Zara Larsson, Clean Bandit et Lil Klein, c'était au Lokers Feesten. Lil Klein est une vraie star de la musique aux Pays-Bas et en Flandre. Ses titres les plus populaires sont Granton Wake, Drunk and Drugs ou encore Allez. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? This is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Écoutez le Belgique sur votre radio. La vie est belle. Regarde comme la vie est belle. Quand elle marche sous le soleil. Autant de pluie chez moi. Mais il fait comme le Belgique avec Chris sur votre radio. Le Belgique. Écoutez le Belgique avec Chris sur votre radio. Als ik klim naar de top, klim jij dan met mij mee? Als ik zing over wat God verbiedt, zing jij dan met mij mee? Als ik meer dan 100 vragen had, denk jij dan met mij mee? Als ik nog precies 2 glazen had, drink jij dan met mij mee? Maar ook ik ben soms alleen. Ik ga mezelf niet meer voorstellen. Ik ben wat ze in je stad en in je dorp kennen. Misschien de meest gehaat, moet je je voorstellen. Maar de best betaald en ik blijf doorrennen. Iedereen die mag een mening hebben, zolang we maar nummer 1 hits hebben. Ik zeg wat ik op tv wil zeggen en je bitch wil chillen. Dus ik leen er even, dit gaat verder dan een tekst of een nummertje. Ik zie ze vechten voor mijn plek, trek een nummertje. Ik ben hard op weg naar die nulletjes. Geen haat, echt waar, ik gun het je. Het is gelukt om mijn papa niet misschien te hoeven stressen. 1 rug voor mijn broer, want ik wil hem even blessen. Drugs en flessen, maar op wijze lessen. Ik heb precies wat je bij wil. Als ik klim naar de top, klim jij dan met mij mee? Als ik zing over wat God verbiedt, zing jij dan met mij mee? Als ik meer dan 100 vragen had, denk jij dan met mij mee? Als ik nog precies 2 glazen had, drink jij dan met mij mee? Maar ook ik ben soms alleen. mijn laatste trekken hit was. Ik heb genoeg aan mijn paspoort en pinpas. We doen festivals en bar mitzwas. Kom eens kijken, je gaat zeggen dat het lid was. Echt waar, je was een held voor mijn ouwe. Echt raar, echt waar, nu wil je geld voor mijn ouwe. Fok iedereen dat het vertelt door die ouwe. Ik zeg fok iedereen als je jezelf kan vertrouwen. Ik ga niet vechten met je pikken, stuur geen maat op je af. Ik stuur een heleboel advocaat op je af. Jullie mannen weten niks, jullie vragen het je af. 6 shows op een dag, geen slaap maar in de nacht. Laat mijn geld met je praten van de vragen die je had. Ik ben trots op mijn naam en ik dagen in mijn stad. Gooi brieven op je bitch tot de laatste in mijn zak. Wat zou ik zijn als mijn vader niet was? Als ik klim naar de top, klim jij dan met mij mee? Als ik zing over wat God verbiedt, zing jij dan met mij mee? Als ik meer dan 100 vragen had, denk jij dan met mij mee? Als ik nog precies 2 glazen had, drink jij dan met mij mee? Want ook ik ben soms alleen. Want ook ik ben soms alleen. Ik ben soms alleen. Ik ben soms alleen. Le Puckle Pop avait misé sur une programmation audacieuse du Alipa, Imagine Dragons, Kendrick Lamar ou encore Oscar and the Wolf. The New Rules à One Kiss, le répertoire de Dua Lipa, commence à devenir un incontournable de la scène musicale. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. I'm beating high. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Présente aux Solidarités de Namur, Lou, chanteuse de 14 ans et finaliste de la saison 3 de The Voice Kids, est l'une des révélations françaises de la scène musicale cette année. Son premier EP est disque d'or en France et connaît un succès tout aussi conséquent en Belgique. Et puis on se quittera avec le groupe Boulevard Désert. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye. Depuis toujours, elle berce mon enfance. Courir dans ses rues, goûter sa lumière. Grandir ici, dans le sud de la France. Entendre chanter les accents de la mer. Je viens d'ici, je suis une fille du soleil. Je danse sur le sable.

sel. Allons à l'essentiel, nos corps sont faits pour ça. Sous les braises et le sel, quand nos deux peaux s'appellent, il faut faire le bon choix, et je veux le faire avec toi. Fuego de la mort, fuego, fuego de la mort, me quema de dolor, me quema de dolor. C'était le Belgique avec Chris sur votre radio. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau classement et tout de suite sur notre page Facebook. À bientôt. I would like to give you all my time. I would like to tell you how much I love you. Since I can't deny not summer love, let me spend the rest of my days all alone. Yeah, you like to dance all over my sins, and I may love to you like I'ma hurt you more. Yeah, you like to pray for all of my sins. One day make me will, but I'm just for sure. Yeah, I'm so lost, lost. I'm so lost, lost. I try to step back from that, ain't all on me. I got one foot in the grave, my fist in the punani. Living like it didn't happen, till it fires back at me. I know I'll probably end up in Cubana, sleeping by the beach. But that I want it was some bitches, marijuana in a casa para mom. All I wanted was the simple truth, no lie. All it did just hurt me more. Now I ain't got time for your pussy, time for them hoes. Time for the simple things I turned down before, no. Time for your pussy, time only knows. Time never runs, but homie, time never stops to dance. All up on my sins, and I make love to you like I'ma hurt you more. Yeah, you like to pray for all of my sins. When they make me well, but I'm just too sure. Yeah, I'm so lost, so lost, so lost. So lost, so lost, so lost. You can't sleep on the fire, you can't turn to my way. Baila.